Et tout de suite, nous avons avec nous au téléphone Edgar. Bonjour Edgar. Salut. Bienvenue sur Arc-en-Ciel. Edgar, auteur, compositeur, dis-nous un petit peu plus, qu'on fasse un petit tour avec toi, avec ta bio, avec comment tu es venu dans la musique. Bah, on va en savoir un petit peu plus sur toi quand même. Bah, en fait, voilà, on est deux dans le projet Edgar. Et donc on chante tous les deux, on joue de la guitare tous les deux, on fait du clavier tous les deux et on compose tous les deux. Du coup, on s'est rencontrés il y a quelques années donc sur Amiens et puis de fil en aiguille, on est devenus amis et on a eu envie de monter un projet ensemble et voilà, on est là aujourd'hui. D'accord. Alors Edgar, c'est un petit nom de groupe, ça t'est venu comme ça? C'est ton diminutif directement? Ça a été pour toi, quand t'as dit tiens je vais choisir ce nom de groupe là, c'était direct, tu t'es dit je prends ça, c'est forcément ce qu'il devait avoir? En fait, on cherchait un prénom pour nous unifier sous une même entité. Parce qu'en fait, Ronan et moi, on est très différents, et du coup, on voulait pas mettre en avant notre différence, mais plutôt ce qui nous rassemble et ce qu'on peut créer ensemble. Donc c'était pour ça qu'on voulait être rassemblés sous une même entité, donc un prénom. Et puis en réfléchissant à ça, voilà, un midi au restaurant auquel on allait assez souvent, on a été un peu choqué de se dire mais en fait le patron s'appelle Edgar, c'est bien Edgar, t'en penses quoi? C'est cool, bah allez on y va quoi. Donc c'est un hommage au restaurant, on se retrouve le midi. Alors Edgar avec deux petits points, c'est pas le Edgar normal. Ouais, voilà, c'est le Edgar un peu nordique, on va dire. C'était vrai que c'était intéressant pour nous de mettre un peu du côté froid du nord de l'Europe, parce que dans notre musique, voilà, avec toutes ces nappes qu'il peut avoir, il y a ce côté un peu froid, et puis ça rappelle aussi les deux points au-dessus du A, ça rappelle un peu aussi nos deux entités sur scène quoi. D'accord. Mais moi, ce que je propose tout de suite, pour voir un petit peu ce que ça donne, on va écouter Two Tress et puis on en reparle juste après. Carrément. Allez, on écoute ça sur Radio Arc-en-Ciel, Edgar, Two Tress, et on se retrouve sur le 96.2 juste après. Let's go dancing between the trees. Nothing to be scared of. The big bad wolf is in for real. Let's go and hide into the attic. Nothing to be scared of. The boogeyman is in for real. To be scared of, the restriction is in for real. Hey, let's spend the night upon the hill. Nothing to be scared of, the tightness is in for real. Eh bien oui, Edgar, derrière ce mystérieux oiseau de nuit se cache un magnifique duo, tout en harmonie, c'est comme ça qu'il se concrétise. Alors Edgar, Totruess, qu'est-ce que ça veut dire si on parle pas anglais déjà? En fait, ça veut dire deux arbres en fait. D'accord, donc vous êtes deux arbres sur scène tous les deux, c'est un petit peu la représentation du groupe alors? Ouais, en fait c'était plus parce que en fait dans le clip, C'est une histoire d'amour en fait, qui commence et qui finit dans une forêt, et c'est des enfants qui jouent entre deux arbres en fait. C'est comme ça qu'on a imagé, le morceau. Ah bah ça c'est super. Donc ça c'est extrait du single qui vient de sortir très récemment, début d'année je crois. Ouais, il est sorti début mars. Voilà, un EP de 3 titres. D'accord. Et voilà, on a la chance en ce moment d'avoir le clip de Tout de suite qui passe sur M6, sur C-Star, sur MCM, sur MTV. Donc j'invite les auditeurs à aller découvrir ce premier clip. D'accord. Il y en aura d'autres. C'est le premier album, le premier EP. Il y a eu autre chose avant qui est sorti avec Edgar, ou c'était la toute première chose qui est sortie de la formation Edgar? Non, c'est tout nouveau. Le projet existe depuis 2015, fin 2015 seulement. Donc c'est vraiment notre premier opus. Et du coup, il y a un deuxième clip qui devrait sortir dans quelques mois. D'accord. Sur un des morceaux qui est donc sur l'EP alors. Un des morceaux qui est sur l'EP, exactement. D'accord. Tu chantes que en anglais dans la formation Edgar, ou alors il y a des petits trucs en français? Pour l'instant, on est exclusivement en anglais sur les morceaux qu'on a composés jusque là. Maintenant, on n'est pas fermé. C'est vrai que on nous pose souvent cette question. On y réfléchit. En tout cas, si on sort un jour un morceau en français, ce sera quelque chose qu'on pourra défendre à 100% comme l'intégralité des morceaux qu'on a composés jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Des reprises. Est-ce que tu fais des reprises en concert, ou parce qu'est-ce qu'on vous le demande? Non, c'est exclusivement que de la composition. Ouais, en fait, pareil, on y a réfléchi, mais pour l'instant, il y a pas encore de reprise. Alors, peut-être que pour s'amuser, un jour, on en fera une, mais on n'est pas tout à fait d'accord sur quel morceau il faut reprendre. Donc, on va attendre de se mettre d'accord sur le morceau original, et après, on en fera une reprise. D'accord. Est-ce qu'il y a un petit site, des dates de concert? Parce qu'on veut aussi savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver. Sait-on jamais si les auditeurs sont intéressés de venir vous découvrir? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, sur les réseaux sociaux, assez facilement. Edgar, donc sans oublier le tréma. Ou alors Edgar officiel. Voilà, on nous trouve assez facilement sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Et puis, très prochainement, on sera sur Paris le 1er juin au Petit Bain. Voilà, et puis toutes les dates sont à retrouver sur notre Facebook et sur notre site diffimusic.com/Edgar officiel. D'accord, bah ça c'est bon. Et puis alors le single pour l'instant, et on souhaite l'album par la suite, hein. On vous contacte, il est toujours possible de le trouver quelque part en vente, on peut l'acheter? Il est en vente en ligne sur notre site et sur toutes les plateformes numériques, et à la fin de nos concerts. Donc n'hésitez pas à venir nous voir en live et on fera un plaisir de vous voir au stand de merch à la fin du concert. Ah bah oui, puis moi je dis vaut mieux y aller en live, parce qu'en plus on aura une petite photo avec les chanteurs, une dédicace sur l'album, c'est mieux. exactement. Voilà. Eh ben, un grand grand merci à toi Edgar. Toutress, c'est l'actualité du moment, c'est l'album, et donc eh bien tous les renseignements sont sur votre site internet Edgar, avec deux petits points sur le A. On vous retrouve facilement sur internet. Merci beaucoup à vous. Eh bien merci, et bon courage pour la suite. À très très bientôt alors. À bientôt. Merci, au revoir. Nothing to be scared of. The boogeyman is in for real. C'est du soleil, plein les oreilles.